بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى كتاب وسنة فيهما النجاة، وسنة فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. على plaisir de vous présenter. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. شيخ سعد الآن يتمنى أن لا فيه غزة بقول مؤمن، أما الكافر أبدا. والله il est في ضيق وفي ضنك. Celui qui s'écarte du dhikr, et de l'iman, de tawhid, de l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il a montré automatiquement il aura une vie de dhiq et de ta'ab. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نبدأ إن شاء الله تعالى في هذا اليوم قراءة هذه الرسالة المفيدة النافعة، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. Comment أو les moyens bénéfiques للحياة السعيدة pour avoir une vie heureuse. للإمام الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه. طهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمبر 4. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، ونفني أمس السبب الأول وهو الإيمان الصحيح والعمل الصالح، كما قال عز وجل والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Donc chaque être humain il va à sa perte, comme قال عز وجل إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Ceux qui ont حقق le premier سبب الإيمان والعمل الصالح. Et Cheikh Saadi رحمه الله a détaillé هذا avec un كلام جميل. ثم أمس à la fin du dars on a lu كذلك le deuxième سبب وهو الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل. القول بالقول الحسن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقولوا للناس حسنا قال عز وجل الفعل كذلك الصدقة التعاون توسع من أسباب إن شاء الله تعالى الحياة الطيبة لأن من يحسن إلى الخلق قال عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان celui qui fait du إحسان للخلق الله سبحانه وتعالى il lui donne خيرات. كذلك ونبي كلام طيب اسم فائدة نبه الشيخ سعدي أن الإنسان ينظر إلى من دونه ولا ينظر إلى من فوقه هذا مهم on a dit في أمور الدنيا regarde ceux qui sont en dessous de toi à niveau argent niveau santé tout ça tu regardes ceux qui sont en dessous de toi ça ترتع أنك في نعمة أما on a نبه أن في العلم وفي الإيمان العمل الصالح tu regardes ceux qui sont au-dessus de toi بإذن الله عز وجل ستدرى فعل des efforts avec الإخلاص هذا on arrive au deuxième سبب واليوم نقرأ فصل جديد c'est le troisième سبب قال فصل في أسباب دفع القلق الناشئ عن توتر الأعصاب واشتغال القلب ببعض المكدرات القلق معروف c'est le contraire de الطمأنينة الطمأنينة معروف c'est la quiétude Être calme, tranquille, al-qalaq, c'est l'axe. Ça montre, هذا الفصل, أن الإنسان لا يكثر من التفكير. بعض الأمور qui arrivent, des épreuves, si tu réfléchis trop, tu penses trop, pourquoi, comment, ça t'attabe. C'est pas une solution, abadan. Khasatan, c'est une chose qui est arrivée, qui est passée. La mort d'un proche, c'est passé. La tukthir. Pourquoi il aurait dû, abadan, ça t'attabe. Si tu es au milieu d'un problème, tu vis un problème, tu cherches les solutions. Bil-kitab wa sunnah. Enfin, si tu réfléchis, c'est pour trouver la solution. Amma c'est passé. Un membre matalan, ou un proche matalan, un membre de ta famille, il est mort, il est décédé. Ça va changer quoi de réfléchir pourquoi, comment? Ça ne change rien, il est mort. Khalas. في هذا الحال ابدا واحد يقول مثلا احيانا c'est des accidents de voiture, pourquoi il est passé par ce chemin, il aurait dû, pourquoi tu l'as laissé conduire, يا اخي ترك هذا ترك ça sert à rien du tout. الان il est mort, قدر الله وما شاء فعل. T'en profites, tu fais du dua. T'en profites, si c'est un musulman tu fais du dua. Amma le kafir la, si c'est un musulman et il a eu un taqsir al ibadat al wajibat. On avait fait une kalima, on avait fait une kalima, on a yadé amal, tu peux les faire pour le meyyit, qu'al hajj. On avait fait le tafsil, on avait fait le tafsil dans cette kalima. Il y a des amal que tu peux les faire, matalan il a un deyn, matalan il n'a pas fait le hajj, matalan al siyam, al wali yassoum anil meyyit, tout ça taïb, on profite. Et bi'idnillah, il y a un naf' azim pour lui. Yawm al-qiyama, il est considéré, il a fait le hajj, c'est a fait le hajj pour lui. C'est ça le naf'. أما كلام فارغ pourquoi, comment. بعض الناس le حج il arrive, se mort, se défunt, il n'a pas fait le حج et personne fait le حج pour lui. هذا c'est ça le جهل, c'est ça le جهل. Se mort, s'il pourrait te demander quelque chose, il pourrait te demander tu fasses pour lui quelque chose, il demanderait fait le حج pour moi, j'ai une dette عند فلان, paye la pour moi. أما كلام فارغ سنين يا أكن فائدة. قال الثالث, أي le troisième سبب, ومن أسباب دفع القلق الناشئ عن توتر الأعصاب واشتغال القلب ببعض المكدرات الاشتغال بعمل من الأعمال أو علم من العلوم النافعة. صحيح أن il y a des épreuves, ça t'es obligé, c'est humain, c'est dans la fitra, ça t'occupe l'esprit, tu penses. الآن الشيخ سعدي te donne une solution. لأن أحيانا il t'arrive quelque chose, tu penses, t'es un être humain. Je peux pas repousser. C'est que tu remplaces cette pensée qui te fait du mal par quelque chose de anfa, al-ilm ou al-amal. Matalan, t'es fidaïq, une épreuve, tu fais l'umrah. Celui qui a les moyens. Tu vas voir que ça va te changer les idées. Jiddan, ibadah, et inshallah, il y a un ajr azim, et tu vas dans ce makan tayyib, Mecca, kadalik al-Madina, et inshallah, tu fais ta umrah, tu reviens, t'es murtah. Ma baluk l'an, wahed, il a des problèmes. Et il reste enfermé chez lui, il pense, c'est un mabalouk ce voyage mubarak, l'umra ou l'hajj, et inshallah ta'ala il revient, il est murtah, jittan, jittan. Ah, c'est une solution. Ou ilm il al-ulum al-nafi'a, kadalik. Kadalik, il apprend sa aqidah, il apprend tawhid, muhadara, il écoute une muhadara d'un savant sunni, des fawa'id, il lit dans des livres, ça y retah. Ça y retah, khasatan dès qu'il est dans un diq, il lit dans kutub. Qui parle de Al-Jannah, Kutub qui parle de Al-Rahma, Al-Raja, c'est yartah. Amma katra talqil wal qal, ça arrange rien. La solution c'est hada. Amal, mina l'a'ma, que ce soit on a donné l'exemple le Hajj ou l'Umra ou autre. Ou, ilm kadalik, tayyib. Qiraat al-Qur'an, tu fais des recherches, tu t'occupes. I'lam anna si tu t'occupes pas avec le khayr, ton nafs, kama wasafah Allah subhanahu wa ta'ala, ammaratun bissou. Elle t'occupera du char. Ah, c'est marrant. Occupe-toi avec le khayr. Et a'zam al khayr, c'est ça. Al-ilm ou al-amal al-salih. Qala fa innaha tulhi al-qalb an ishtighalihi bidhalik al-amr alladhi aqlaqa. Sahih. Ton qalb, c'est comme un récipient. Si tu le remplis avec une chose nafi', ça repoussera le mal. Si tu le laisses faire, le mal, il remplira ce récipient. Hakada. Anta ce qalb, da'iman t'hawul, tu le remplis bil khayr et tu vas voir que le char sera repoussé. Et c'est ça le jihad. Jihad al-nafs. Qala wa rubbama nasiya bi sabab dhalika al-asbab allati awjabat lahu al-ham wal-gham fa farihat nafsuhu wa izdada nashatuhu wa hadha as-sabab aydan mushtarak bayn al-mu'min wa ghayrihi. Na'am, lakin al-mu'min comme on va voir annahu ya al-ikhlas, al-ilm c'est pour lillah. Ce amal qui fait, c'est une ibada. Amal kafir, ils ont ça. Ce qu'ils appellent changer d'air, ce qu'ils appellent qatalahumullah, ba'dahum, ils vont faire du fasad. Là, des problèmes, ils voyagent. Un tas, tu voyages l'umra, l'hajj, pour faire une ibada. Ou ils voyagent, ou l'ayadu billah, pour faire zina, pour faire le munkar. Un tas, l'an, tu veux te changer les idées, bi'ibada, et t'es ma'djour. Et bi'idnillah, azzawajal, ton cœur, il va s'apaiser. Hum, il est dans le même qalab que toi, il a des fitnes kadhalik, il a des problèmes, et il pense se reposer avec le ma'asi. Et en fait, il fait que s'enfoncer. قال وأيضا مشترك بين المؤمن وغيره ولكن المؤمن يمتاز بإيمانه وإخلاصه واحتسابه في اشتغاله بذلك العلم الذي يتعلمه أو يعلمه ويعمل الخير الذي يعمله أو يعلمه ويعمل كأنه يعمله ويعمل الخير الذي يعلمه يجوز يلابليك الخير كي كونه ويعمل الخير الذي نعم يعلمه لا يعلمه أحسن. Là, si on redit Ya'malo, il y a une répétition. Ya'lamo. Le ilm qu'il a appris, Ya'mal bih. Qal wa ya'mal al-khayr al-ladhi ya'lamo. In kana ibadatun fa huwa ibadah. Wa in kana shughlan dunyawiyyan aw 'ada dunyawiyyah. Ashabaha an-niyya as-salihah. Ça, c'est une faïda. Anna, ahyanan, tu dois changer les idées. T'es fi qalaq, fi ta'ab. Tu fais une ibadah. Matalan, hajj, umrah, tayyib. Tu vas au masjid, tu lis le Coran. Ça te change les idées. Et بإذن الله ce qu'Allah qui part. Ahyana, c'est un chourl dunyawi. Hatta via de l'hal men niya. Men niya, ihtasib. Ihtasib anna tu veux te rapprocher d'Allah, anna tu fais ce amal pour avoir de l'argent halal, pour pas tomber dans le haram. Toute cette niya, c'est niya hasanat et ma'djour. Masalat l'ihtisab, c'est muhim. Avec l'ihtisab, l'adat, ça devient des ibadat. Kama qala ba'du ahl al-ilm. L'adat, ça devient des ibadat. Avec l'ihtisab. Et sans ihtisab, l'ibadat, ça devient des adat. Matalan, adat ul akl. Si t'as l'ihtisab, ça devient l'ibada. Tu manges les taqawi, yani l'ibada, ou talab al-ilm, ila akhir. Cette ada manger, dès que tu manges un quart d'heure, t'as du ajr pendant un quart d'heure. Et l'argent que t'as dépensé pour ce akl, t'es ma'djour, ila akhir. Badana, c'est l'axe, ils n'ont pas beaucoup d'ihtisab ou pas d'ihtisab, sa ibada, ça devient une ada. Mitla siyam. Il fait siyam, il ne sait pas pourquoi. Il fait parce que les gens ils font. Cette ibada, ça devient une ada, c'est une coutume. Falihada, après Ramadan, il délaisse Rubbamaddi. Là, c'est une coutume. Pour lui, cette période, ce moment, il ne faut pas manger parce que les gens ne mangent pas ada. Ba'dahum, ba'dan niswan, dans certains pays musulmans, al-hijab, c'est une ada. Al-hijab, Rubbamaddi, elle ne fait pas salam. Ada, elle met le hijab parce qu'elle a été élevée hakada et ses parents lui ont mis le hijab. Et elle ne peut plus sortir sans hijab, elle a été habituée. T'alamoun, anna, les femmes qui ont l'habitude de se couvrir depuis qu'elles sont petites, elle ne peut pas sortir hakada sans hijab. Lakin, robama, elle ne fait pas salam. Anahnu, on est des muslimoun, mu'minoun. Inch'Allah, l'ibada c'est une ibada, da'iman al-niyya. Et on fait des efforts, anna l'ada, ça devient une ibada kadalik. Anna, c'est des ujur sahla. Lakin al-muwaffaq man wafaqahullah. Hakika, on mange tous, on dort tous. La boudhada, tu manges et tu dors. Si t'as ihtasib, t'es ma'djour. Si t'es fait ghafla, t'as pas d'ajr. T'as pas fait d'idm, c'est mubah. Lakin, ahsan, on en profite. Rubbama yom qiyama, t'auras besoin de ces hasanat. Ou alors, chaque que t'en auras besoin. Al-ihtisab, c'est muhim. قال ولكن المؤمن يمتاز بإيمانه وإخلاصه واحتسابه باشتغاله بذلك العلم الذي يتعلمه ويعلمه ويعمل الخير الذي يعلمه إن كان نعم أي العمل عبادة فهو عبادة وإن كان شغلا دنيويا أو عادة دنيوية أصحابها النية الصالحة وقصد الاستعانة بذلك على طاعة الله سيصال احتساب الآن كموش لماذا لتستعن بذلك الطعام على طاعة الله. Maintenant, anta l'an, tu vas manger, on est saïm, al-futur, bi-idnillah azza wa jal, tu as une niya, awalan, tu manges parce que tu as fait siyam lillah. Et kadhalik, tu te prépares pour tarawih. Tu manges nus sa'a, t'es ma'djour. Amma, l'adala, il a fait siyam parce que c'est une coutume, il mange, c'est que pour remplir son ventre, faqat. C'est ça la différence. Et c'est ça, ça montre l'importance du cœur. قال وقصد الاستعانة بذلك على طاعة الله ولذلك قال فلذلك أثره الفعل أثره الفعل أي سأثر إلى سفعل أثر على دفع الهموم هذا قال فلذلك أثره الفعل في دفع الهم والغموم والأحزان فكم من إنسان ابتلي بالقلق وملازمة الأكدار فحلت به الأمراض المتنوعة فصار دواؤه الناجع نسيانه السبب الذي كدره وأقلقه واشتغاله بعمل من مهماته صحيح كم من الناس حتى الأطباء حتى الكفار الآن الأطباء يا سفت المالادي إذا سيدوا دوني دو ربو فوك يشانج دير يفوك ربما يشانج دو فيل ربما بعضهم يبغوا على كومبان tout ça c'est من هذا الباب لكن نحن on a des ulama ils nous ont montré هذا قبل سنين ça ça montre que les kuffar يستفيدون كثيرا من اهل من علماء الاسلام لكن نحن tout ça avec النية نحن on sait que c'est une dunya كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر نحن patient ولو القلق يبقى ان شاء الله نصبر لكن c'est ce genre de علاج للطيب جدا طيب حتى ترتاح قال وينبغي أن يكون الشغل الذي يشتغل فيه مما تأنس به النفس وتشتاقه فإن هذا نعم تشتاقه صحيح أن العمل شوزي عمل ترتاح أما في ضيق تقلق شوف عمل كي تغاجد قلق لا سباين سوليسيون لا تشوف كلب شوز ترتاح قال فإن هذا أدعى لحصول هذا المقصود النافع والله أعلم هذا سين فائدة خوازيم سبب Tu t'occupes avec des choses nafia, khassatan l'ilm al-shar'i. Khassatan. Ça, tu le vois. Hiyanan, t'es fait dhiq, t'es fait qalab. Thumma, tu rentres dans un bahth, ou tu cherches une mas'ala, ou tu lis, ou t'écoutes. Fartah, jiddan. قال الرابع ومما يدفع به الهم والقلق اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر. Ça, c'est طيب. لأن بعض الناس, ils voient trop loin. مثلا il a في تعب il a des problèmes d'argent يا أخي fais trouve une solution pour aujourd'hui demain ça يفتح الله si tu peux trouver des asbab pour demain après demain طيب لكن ce qui veut démontrer الشيخ سعدي الآن أن tu réfléchis pas trop dans un an je veux faire comment dans un mois يا أخي ترك ربما tu vas mourir demain ça sert à rien de réfléchir ça veut pas dire qu'on prend pas les asbab là لكن ce qui montre c'est que tu réfléchis et ça te fait du mal là Ça ne sert à rien. هذا. Prends les asbab et va pas trop loin. Hadith ibn Umar, ma'rouf, on l'avait étudié ensemble fil arba'in, annahum au matin, ils n'attendaient pas le soir. Au soir, ils n'attendaient pas le matin. هذا ارتاحوا. Ce qui arrive, il arrive. Allah. Tu prends les asbab et dès qu'il y a un problème, tu trouves la solution au problème. Amma ba'd an-nas, il n'y a pas de problème, ils cherchent déjà une solution. Maintenant, il te dit, mais s'il arrive que... Il nous expulse maintenant de l'imara. S'il arrive que la da'wah donne plus d'argent, ya akhi, tonk hada. Et si ça arrive pas, tu te mets un dhik, faqat. Autre, le jour maintenant, t'as plus d'arrivée d'argent, on dort le sabab. Tu travailles, on dort, il y a des solutions. Amma, si, ça t'a ta'ab, jiddan. Fa Cheikh Saadi, là, il te montre, on a certaines portes, il faut les fermer. Qala. ومما يدفع به الهم والقلق اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر وقطعه عن الاهتمام في الوقت المستقبل وعن الحزن على الوقت الماضي كذلك انتبه كذلك que tu réfléchis trop à ce qui est passé j'aurais dû mais ça t'attrape c'est passé ce qui arrivera ça arrivera concentre-toi sur le hadir sur le présent concentre-toi sur hala et si t'as un problème qui arrive au présent règle-le توكل على الله في الدعاء في الأسباب شرعية الأسباب مباحة كي كونتروليز باش الشريعة أما الماضي سي باسي قدر الله وما شاء فعل سي سي المعصية في التوبة سي سي كلكو شوز أن أكسيدون لا بيغ دان بروش قدر الله وما شاء فعل سي باسي المستقبل أتوندي كساغيف أما سي يغيف كومون جو في بعض الناس هكذا سي كذا يتعب ربما يغير ربما دومان تو مور تعبت فقط دومان تو مور تي في القبر هذا سي مهم قال ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن قال في الحديث الذي رواه في الصحيحين قال فالحزن على الأمور الماضية التي لا يمكن ردها ولا استدراكها نعم استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن فالحزن على الأمور الماضية نعم الحزن سا رابور افيك لو باسي الحقيقة سي باسي سي باسي قال والهم الذي يحدث بسبب الخوف من المستقبل نعم هم اي دي انغواسي والحزن اللي تخيست على تخيستس سي ليا avec une chose qui est passée la porte la perte d'un proche قدر الله ما شاء فعل avance c'est passé الهم اي سي انغواسي اي par le futur comment je vais faire comment je vais كذا يا اخي اترك et avance et fais les asbab et توكل على الله et اعلم ان ton risque il est écrit Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé t'a قدر ton risque et tu profiteras de ton risque avant de mourir Rien sera rajouté, rien sera enlevé. Voilà. Lakin, avec les asbab, bien sûr. Nous, on ne sait pas ce qui a été qadr. On fait les asbab. Ça vient, alhamdoulilah, ça ne vient pas. Espère, ya akhi. Allah, subhanahu wa ta'ala, il rizq al-hasharat. Sahih, al-hasharat, des insectes, des moustiques. Allah, il les rizq. Ils mangent et hatta ils meurent. Anta, incha'Allah, t'es un mu'min, الله سبحانه وتعالى يحب المؤمنين. قال والهم الذي يحدث بسبب الخوف من المستقبل فيكون العبد ابن يومه. صحيح العبد ابن يومه. C'est comme le fils de ce jour. Occupe-toi de ce jour. فقط. Le reste, c'est pas عليك. Demain, est-ce que tu vas être vivant? Est-ce que tu vas être mort? Allah ربما يترزق une chose que tu t'attendais pas. Fais-le demain. Dès que ça arrive, fais les asbab. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de te préparer. Maintenant, le hajj c'est dans 6 mois, tu ne te prépares pas. Ou tu mets de l'argent de côté pour te préparer le futur. طيب هذا. لكن الشيخ سعد الآن il parle, penser ça te fait du mal. C'est autre chose. Mais celui qui arrive à mettre de l'argent de côté, il se prépare, il veut maintenant fonder une entreprise, il veut faire le hajj, il veut tant que c'est halal, طيب. La personne te reprochera هذا. لكن réfléchir et se faire du mal, là. قال فيكون العبد ابن يومه ويجمع جد نعم يجمع جده أي الجد والاجتهاد قالوا يجمع جده اجتهاده بإصلاح يومه ووقته الحاضر فإن جمع القلب على ذلك يوجب تكميل الأعمال صحيح كذلك tu vas faire des efforts dans l'a'mal qui est présent أما tu vois loin dans certaines choses et dès que ça arrive un amal à son temps et tu fais pas d'efforts là enfin tu mets tes forces dans l'a'mal qui est présent قال ويتسلى به العبد عن الهم والحزن والنبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدعاء أو أرشد أمته إلى دعاء فهو يحث مع الاستعانة بالله والطمع بفضله على الجد والاجتهاد في التحقق لحصول ما يدعو بحصوله والتخلي عما كان يدعو لدفعه لأن الدعاء مقارن للعمل لابورتونس دو الدعاء صحيح تفس عمل تستعين بالله تدعو الله سبحانه وتعالى كي تلست نعمة تدعو الله سبحانه وتعالى كي تمد البركة قال فالعبد يجتهد فيما ينفعه في الدين والدنيا لامبورتونس دو فير لي اسباب الشيخ سعدي تسيت هذا حتى tu comprends pas que tu fais pas des asbab لا لكن tes efforts ils doivent être dans un point précis. اما tu délaisses مثلا عمل اليوم et tu regardes déjà dans un mois dans six mois dans un an c'est pas من الحكمة هذا ابدا. قال ويسأل ربه نجاح مقصده صحيح نجاح مقصده l'importance du dua ويستعينه على ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز احرص على ما ينفعك اي au moment donné قال واستعين بالله bien sûr استعانة بالله لأن الموفق من وفقه الله ولا تعجز et désespère jamais. Ce qui arrivera, il arrivera. قال وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله ما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. Ce hadith on l'a vu en détail في كتاب التوحيد. لا تقل لو لا استعن بالله لا تعجز احرص على ما ينفعك. Si t'arrive quelque chose, dis قدر الله ما شاء فعل. T'arrive quelque chose, c'est passé. قدر الله ما شاء فعل. Le futur, trouve à son moment précis. قال فجمع صلى الله عليه وسلم بين الأمر بالحرص على الأمور النافعة في كل حال والاستعانة بالله وعدم الانقياد للعجز صحيح الحرص على الأمور النافعة fais des efforts tant que c'est شرعي fais des efforts tant que c'est pas une مخالفة والاستعانة بالله وعدم الانقياد للعجز ne baisse jamais les bras الله il est كريم baisse pas les bras بعض الناس يقول c'est trop tard je peux plus أبدا fais des efforts et الله سبحانه وتعالى كريم الذي هو الكسل الضار وبين الاستسلام للأمور الماضية النافذة كذلك ne reste pas emprisonné des choses qui sont passées بعض الناس مثلا il a fait des معاصي ou il a délaissé salat à un certain moment tu le conseilles et il dit là moi c'est passé je peux plus na'oudou billah là Allah il est karim Allah c'est tawwab fais des efforts et inshallah tu trouveras du khayr. قال ومشاهدة قضاء الله وقدره وجعل الأمور قسمين أي في الحديث قسما يمكن العبد السعي في تحصيله وتحصيل ما يمكن منه صحيح un قسم des choses que t'as une قدرة t'as un اختيار احرص على ما ينفعك fais des efforts. T'as besoin d'argent, fais des efforts. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné une capacité. Des choses, vous allez voir, t'as pas le choix. Tu dis, qatar Allah, mashallah. Maintenant, un proche, il est mort. T'as le choix dans ta vie, t'as rien à voir avec ça. Allah, il a qadr ça. Tu dis, qatar Allah, mashallah. Qala, ou, daf'u ou takhfifu, fa hada, yabdi vihi l'ab majhoudu, wa yasta'inu bima'boudi. Sahih, ce premier qism, t'as les capacités, fais des efforts. Fais des efforts, bats-toi, baisse pas les bras, abadan. قال وقسما لا يمكن فيه ذلك. Un autre قسم, t'as rien à voir. Un proche est ton malade, un proche il meurt, un proche il est ruiné, un t'es éprouvé par une maladie. هذا قدر الله شافعل. قال وقسما لا يمكن في ذلك، فهذا يطمئن له العبد ويرضى ويسلم صحيح، تجي قدر الله وشاء فعل، تجي الحمد لله على كل حال، تجي إن لله وإنا إليه راجعون. كذلك سيادة زفوغة فيدي أسباب تشوفها، لكن تستسلم لله عز وجل. قال ولا ريب أن مراعاة هذا الأصل سبب للسرور وزوال الهم والغم، سبب عظيم، سبب عظيم. أنا لا بيرسون الغفشي باتخو مستقبل توجور، بعض الناس زي ما حكي العوام كيف كتبا فيغ دمان طون أفنير كذا، حتى يتعب حتى ينقلق، يا أخي سبا فنير سبا فنير، هذا on fait des efforts. بعض الناس c'est le contraire، c'est le ماضي، j'aurais dû pourquoi، حتى يتعب. نحن لا، on vit au jour le jour، on fait des efforts bien sûr le مستقبل، des choses شرعية، on se prépare pour le hajj، on se prépare pour beaucoup de choses، et sans réfléchir trop، et ça nous fait du mal، et si y a un manque de quelque chose نتوكل على الله. Ah, ça c'est mohim. Et les choses passées, qatar Allah mushafal, c'est passé. Une ma'siya fait tawba akhi, et avance. Ah, c'est risala nafi'a jiddan jiddan. Salat tawfiq. On l'a fini bi Allah azza wa jall. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. مع تحيه دماج afaq.com. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.